cette place. Je me rappelle bien de cette place. Mon Dieu, 10 ans sont passés, mais rien n'a changé. Les mêmes bâtiments, les mêmes rues, les mêmes musiciens que j'entends. Et c'est moi qui ai changé. Être ici sans elle, qui aurait pu l'imaginer? Waouh! J'ai toujours aimé les églises gothiques, mais celle-ci, elle est impressionnante. Et ces couleurs, cette lumière, ces vitraux. Excusez-moi, monsieur, vous êtes d'ici? Oh oui. Non, non. En fait, c'est une longue histoire.